le nouveau monde. J'avais mal, si mal à la tête. Une créature nous avait attaqué, Mila et moi, une créature immense qui volait. Aux yeux jaunes, aux... Ah. Squeak, allez, relève-toi, je t'en prie. Que quoi? Les rats, ils sont là. Les ombres avançaient dans la nuit, aussi grosses que les rats. Ils allaient nous manger. C'en était fini. Nous allions rejoindre Booze. Enfin, on avait toujours sauvé Wishity, pas vrai? Mila me tirait sur le sol, je pouvais pas bouger, je voulais pas bouger. J'avais mal, si mal à la tête. La créature m'avait frappé d'une de ses pattes. Mal. Allez! Allez, Squeak, c'est pas le moment d'abandonner, pas après tout ça! Les ombres avançaient vers nous à quatre pattes. Je les voyais, des rats. L'une d'elles s'est levée sur ses pattes arrière. Mila s'est arrêtée. J'avais mal. Celui-là est blessé. Aidez-le. Non, ce n'était pas des rats. Ils me bandèrent le bras droit et me pansèrent le front. Ils étaient presque aussi grands que des rats. Une tête de moins, tout juste. Les torches, sur le grand plafond que eux appelaient étrangement étoiles, s'éloignaient de plus en plus. Le grand feu allait bientôt réapparaître. Tiens, prends un peu d'eau. Ils étaient environ une dizaine. L'un d'eux tendait à Mila une sorte de petit plat creusé contenant de l'eau. Elle ne dit rien, prenant le plat des deux mains et avala l'eau en une seule gorgée. Aussi, ma gorge était terriblement sèche. Depuis combien de temps n'avions-nous ni mangé ni bu? On peut dire que vous l'avez échappé belle. Pierre-Jean Grégoire se laisse jamais faire comme ça. Pierre-Jean Grégoire? Le grand qui s'était assis à côté de moi devait parler de la créature. Ils étaient tous bruns, le poil clair et lisse, le visage plus rond que celui des rats et deux dents aiguisées tombaient sur leurs lèvres inférieures. Leur queue remontait dans leur dos pour se terminer en point d'interrogation. Mais bon Dieu, qui était-il? Assis sur une petite pierre, je dévisageais mon voisin, celui qui visiblement donnait les ordres. T'es quoi, toi? Un écureuil, et toi? Un écureuil? C'est bizarre comme nom, non? Moi, je suis un Bifwish. T'as une drôle de définition du mot bizarre, toi. J'ai l'impression. Je m'appelle Berthold. Squeaky. Mila! Elle reposait juste le plat creux dans les mains d'un des écureuils, tandis que de sa main valide, elle s'essuyait la bouche. Quelques-uns des écureuils semblaient faire le guet. Il doit faire nuit pendant encore un bon moment. Le soleil va pas se lever de si tôt. Pierre-Jean Grégoire pourrait revenir à la charge. Le soleil? Pierre-Jean Grégoire? Oui, le soleil. Bertolt, faudrait se bouger un peu, les autres vont s'inquiéter si on rentre pas. Et mon petit dernier a les oreillons, j'aimerais être rentré avant qu'il se réveille pour voir s'il va mieux. On va bouger. Bertolt se releva. Sur ses quatre pattes, il avait tout d'un rat. Mila et moi échangèrent un regard, inquiet. Comme si l'espace d'une seconde, nous avions vu nos pires ennemis devant nous. Comme si nous vivions nos derniers instants. Bertolt semblait perplexe. Il nous regardait tour à tour. Vous venez d'où comme ça? On vous a jamais vu dans le coin. Mila baissa la tête. Je détournais mon regard. Comment lui dire? Comment tout raconter? Était-il de confiance? Nous n'avions plus grand-chose à perdre, pourtant. J'ai baissé les yeux, moi aussi, en pointant mon doigt vers le sol. La terre? Comment ça, de la terre? Eh Bertolt, j'aurais bien envie de lever le camp, moi aussi. Souviens-toi des consignes, on doit jamais rester trop longtemps au même endroit. Pas de la terre. Dessous la terre. Sous la... Hein? Bertolt! Ouais, on arrive. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Si je peux me permettre. Tous les écureuils ont tourné la tête vers Mila. Elle descendit du rocher sur lequel elle s'était assise. Je suis Mila, fille du grand dirigeant. Bon, ça vous dit peut-être rien à vous autres, les équalures. Écureuils, on est des écureuils. Oui, les écureuils, ou un truc comme ça. Enfin bref, on est un peu perdus ici. Et en tant que représentante de mon peuple, j'aimerais que nous établissions des rapports qui pourraient nous servir à tous et... Non, en fait, j'ai envie de dormir, de me reposer, d'être dans un endroit calme, de plus avoir peur. J'en ai marre de tout ça et emmenez-nous avec vous, où que vous alliez, offrez-nous un peu de repos, qu'on se sente un peu en sécurité, parce que j'ai pas envie de finir dans la gueule de cette chose qui nous a attaqué. Pierre-Jean Grégoire, c'est Pierre-Jean Grégoire qui vous a attaqué, il est méchant. Bertolt s'est approché de moi. Vous êtes bien étrange. Vous êtes bien étrange. Et toi? T'en dis quoi? Du repos, oui. Ça nous fera que du bien. Du repos. Très bien. Allez tous, on retourne à Eole. Et vous? Vous nous accompagnez? Bye, fouiche. Bah, elle fouiche. Elle fouiche.